chaque jour les renouveler. Depuis nous partageons l'amour à deux. Le jour arrive et midi épanoui. Petit à petit, c'est un beau ensemble pour la vie. Le même pas ne marche vers l'infini. Notre amour va traverser le temps. L'intensité sera la même dans 10 ans. Réunis-nous qui a plus paix dans l'amour sacré. Il va pouvoir où l'intensité dans l'amour. Et il va chanter jamais de ma faute. Et s'il faut me rechoisir encore. Le jour arrive et midi épanoui. On nous l'a enfin dit oui. Devant bon Dieu nous l'a promis. J'ai navé petit à petit. Jamais.